Sur la table, il y a des sabots de cerf enfoncés dans le bois pour servir de bougeoir. On y a suspendu des chandelles à l'envers, d'où s'échappe en tremblant une flamme noire. Comment savoir alors si l'on a affaire à un homme, un démon, à un lutin sans âge, quand cette flamme obscure aspire la lumière sur les murs, les plafonds et sur les visages. Debout dans un tiroir, les mains sous le menton, accoudé au comptoir, c'est le nain, le patron. Vivez large d'esprit, méprisant le silence, dans ce corps si petit vivait une âme immense. Jusqu'au triste soir où, trop pâle et étroit peut-être, étouffant tout à coup dans le corps de son maître, elle avait décidé, comme un homme d'une femme, d'une séparation de corps et d'âme. Mais derrière le comptoir, enfin quelqu'un bouge, femme au corps de belette, au regard de rapace. Elle court verser à boire un verre de vin rouge et repart en silence rejoindre sa place. C'est le nain, le patron, il voudrait bien bouger, mais comme son corps est vide, il reste là figé, petit pantin livide. Et au fond de ses yeux, en regardant d'en haut, on aperçoit un peu du bois de ses sabots. Depuis plus de 100 ans, regard perdu au loin, immobile, il attend son âme en vain. Et pendant qu'on bavarde autour d'un café, des enfants qu'il rêvait d'avoir tous les deux, je vois qu'elle le regarde à la dérobée, espérant voir bouger même un seul cheveu. Et c'est là dans la brume, derrière les carreaux, que j'ai vu dans les airs un fagot flotter. Était-ce un oiseau nu, un poisson hors de l'eau, ou peut-être un rameur dont on m'a parlé ?